toi que je vois là-bas. Est-ce que c'est toi que je vois là-bas? Si ce n'est pas un rêve, approche-toi. Je voudrais te dire que j'étais trop plongé dans mes délires. J'ai trop attendu pour te dire. J'ai trop attendu pour te dire. J'ai trop attendu pour t'aimer. Il y avait les rêves et les secrets. C'est toi que j'entends parler. Que c'est toi que j'entends chanter. Ta voix est comme une douce mélopée. Je voudrais te dire que j'ai trop attendu pour te dire. Un imbécile. J'ai trop attendu pour te dire. J'ai trop attendu pour t'aimer. Il y avait les rêves et les secrets. Que c'est toi que je vois au loin. Ta main est dans une autre main. Si c'est un cauchemar, réveille-moi. Je voudrais te dire que j'ai trop attendu pour te dire. Je suis blessé, je suis fragile. J'ai trop attendu pour te dire. J'ai trop attendu pour t'aimer. Il y avait les rêves et les secrets. Même si je fais semblant d'y croire, cette histoire ressemble à un trou noir. Si l'envie te prend de venir me voir, je voudrais te dire que j'ai trop attendu pour te dire. J'ai trop attendu pour t'aimer. Il y avait nos rêves et nos secrets. Il y avait nos rêves et nos secrets. Il y avait nos rêves et nos secrets.